ta. Non, mais du début, c'était pas l'ensemble, c'était pas très joli. J'ai bien aimé la troisième fois que t'as baissé un peu là. Ouais, je vais m'arrêter, je crois que c'est t'as ralenti la... Non, mais, ouais, mais du non, coup, sérieux, ouais. Ça va un petit mais peu plus pour sympa. Elle, ouais. Sympa, aujourd'hui c'est la journée sympa. C'est la fête du sympa aujourd'hui. On l'a refait? Oui. Salut, salut, salut. Comme d'habitude, vous êtes bien le dimanche soir à 21h sur les ondes radioactives. C'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, diverses, variées, textes, enfin tout ce que vous voulez. Et on attaque immédiatement avec le seul aspect dont je ne vous ai pas parlé juste avant, c'est-à-dire les concerts. On va avoir donc un concert de Sonic Youth qui était enregistré en 96 à Düsseldorf avec deux morceaux, mais il y en aura quand même pour une demi-heure. Parce que le second, s'appelle le Diamond Sea, va être très très très long. Allez, comme d'habitude, on retrouve sur la page du site tous les titres que l'on passe ce soir. Et installez-vous, c'est parti. Ok, this is called Skip Tracer. It's kind of a talking blues. If you will. This she did in public for us to see. She came here too drunk to do the show. Between the trains and cars, broken glass, lost hubcaps, images of a gun. Row house, pass through. The city rise up to fill the screen. Clothes flung out of closets. Guitar guy played real good feedback and super sounding riffs. With his mild battered look on, yeah, he was truly hip. The girl started out in red patent leather, very I'm in a band, very I. We watched her fall over and lay down, shouting the poetic truths of high school journal keepers. Row house, pass through, the city rise up. Dustbuster, hospital bed. I see you, see you, see you on the highway. Now we told soul, merge our ideas, sound forms, and freedom. Miss seafood, miss cheesecake, a couple of miss donuts. The edge of a blade pressed to the throat of your reflected image. Poised, you're totally screwed up. Yes, sir. Yes, sir. Step right.

Goodbye. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive. Après le concert à l'instant de Sonic Youth, on continue en musique avec The Jim Carroll Band et la lecture de quelques extraits de la belle histoire d'Antoinette. C'était le magazine féminin de la CGT et qui montre que même sur les gens à gauche, il y a toujours des côtés sexistes qui reprennent le dessus. Allez, c'est parti. In his trembling hand, when I felt the light, I was worse than Lord. I stole the doctor's scalpel and I slit the cord. I was a Catholic boy, redeemed through pain, not through joy. I was 2 months early, they put me under glass. I screamed a curse at children when the nurses passed. Was convicted of theft when I slipped from the womb. They led me straight from my mother to a cell in the tombs. I was a Catholic boy. I was redeemed through pain, not through joy. They starved me for weeks. They thought they'd teach me fear. I fed on cellmates' dreams. They gave me fine ideas. When they cut me loose, their term had served me well. I made allies in heaven. I made comrades in hell. I was a Catholic child. The blood ran red, the blood ran white. Drop to their knees. When I enter a church, the feet of statues bleed. I understand the fate of all my enemies. Just like Christ in the Garden of Gethsemane. 'Cause I'm a Catholic boy, redeemed through pain, not through joy. I watch the sweetest psalm stolen by a choir. I dream of martyrs' bones hanging from a wire. Touch me now. I got every sacrament behind me. I got baptism. I got communion. I got penance. I got extreme unction. I've got confirmation. 'Cause I'm a Catholic child. When the blood ran red, the blood ran wild. And now I'm a Catholic man. I put my tongue to the rail whenever I can. We'll be right back. Après la Deuxième Guerre mondiale, la CGT développe ce qu'elle appelle le travail en direction des catégories, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes, les immigrés et les jeunes. Pour les premières, il se fait par l'intermédiaire du secteur femmes qui prend au fil du temps les dénominations successives de femmes travailleuses jusqu'en 1969, de main-d'œuvre féminine jusqu'en 1978, puis simplement de femmes, avant d'être placée directement en 1992 sous la responsabilité du secrétaire à l'organisation. La prise en compte du problème des femmes dans la CGT est renforcée à la suite de la grande grève de la fonction publique de l'été 1953, à laquelle des milliers de femmes avaient pour la première fois activement participé, comme par exemple dans les centres de chèques postaux. Tirant le bilan de la grève pour la CGT, Madeleine Collin explique ainsi « Le changement historique qui représentait l'entrée dans l'action de ces jeunes travailleuses du milieu employé, les militants masculins, qui n'échappent plus au paternalisme qu'au machisme, prennent alors conscience, tout du moins au sommet de la CGT, que les femmes, représentant 37% de la population active, sont désormais indispensables pour obtenir une avancée des revendications sociales de l'ensemble des salariés. » Madeleine Collin entre au bureau confédéral de la CGT au congrès de juin 1955 pour s'occuper du secteur féminin. Clothes. This was being built for joy. L'un des instruments de ce travail en direction des femmes est la création en 1955 du mensuel Antoinette, qui prend la place d'un modeste bulletin, la Revue des Travailleuses, afin de combattre l'idéologie dominante véhiculée par la presse féminine à grand tirage. Au plus haut de sa diffusion dans les années 1970, le tirage d'Antoinette est de 100 000 exemplaires. Madeleine Collin en est directrice jusqu'en 1975, alors que la CGT compte 2 377 000 adhérents et atteint son plus haut niveau depuis la scission de Force ouvrière en 1947. Let's go. Selon Madeleine Collin, la 6e conférence nationale des femmes de la CGT en 1977 aboutit à une telle explosion des revendications syndicales et féministes des militantes qu'elle effraie la direction masculine de la CGT. Les militantes qui avaient animé et organisé la conférence furent plus ou moins marquées et comme les problèmes des femmes sont intimement liés à ceux de la démocratie, des prises de position ultérieures les éloignèrent de leur plein gré ou de force de l'organisation. And Dans les années qui suivent, une reprise en main s'amorce. La CGT emprunte avec un congrès de retard, la même évolution ou plutôt la même régression que le PCF. Celle-ci suscite une contestation de plus en plus perceptible jusqu'en 1982, tant sur les méthodes de travail et de direction du bureau confédéral que sur le soutien officiel au PCF ou sur des questions internationales comme l'intervention soviétique en Afghanistan ou le syndicat indépendant polonais Solidarność. En octobre 1981, à la veille du remplacement de Georges Ségui par Henri Krasucki, la position des trois secrétaires confédéraux minoritaires, Christiane Gilles, qui avait remplacé Madeleine Collin au secteur femmes, René Bull et Jean-Louis Moineau, devient intenable et tous trois donnent leur démission du bureau confédéral. Le féminisme, la mise en cause de l'attitude réductrice de la CGT par rapport à l'expression des aspirations des femmes, nourrissent un foyer de contestation au sein de la rédaction d'Antoinette, que la direction confédérale va s'employer à mettre au pas. Again. La rédactrice en chef, Chantal Rogerat, est blâmée à deux reprises par la direction de la CGT, tandis que le travail de la rédaction s'avère impossible sous la direction de Jacqueline Léonard. Les journalistes demandent alors au bureau confédéral de statuer sur leur sort. Le 30 avril 1982, ce dernier répond en nommant une nouvelle rédactrice en chef, Eliane Bressol, et annule le numéro de juin en cours de fabrication. Le 3 mai, les 9 journalistes présents décident de se mettre en grève pour une durée indéterminée afin de protester contre le licenciement abusif de la rédactrice en chef Chantal Rogerat et la nomination d'une journaliste stagiaire, Eliane Bressol, membre de la commission exécutive confédérale. Le lendemain, les administrateurs de la CGT de la vie ouvrière, Jean-Claude Guay et Pierre Lasserre, saisissent la copie, les papiers administratifs et les chéquiers. Le 7, Madeleine Collin, fondatrice et ancienne directrice du mensuel, adresse une lettre au bureau confédéral où elle se déclare solidaire des journalistes et demande à ce que son nom soit retiré du pavé administratif du journal. Goddamn this. We'll be right back. Après de longs pourparlers entre la rédaction et le bureau confédéral sur la possibilité d'un accord, sur l'éventualité de départ, sur la base de droit apparentée à la clause de conscience, le bureau confédéral juge le 24 mai inapplicable ces dispositions du Code du travail. Début juin, Chantal Rogera, l'ancienne rédactrice en chef, et Simone Aubert, l'ancienne administrative, reçoivent finalement leur lettre de licenciement pour faute grave. Au cours d'une conférence de presse dans les locaux de la CGT présentant le numéro spécial d'Antoinette pour le 40e congrès de la Confédération préparé par la nouvelle direction du journal, des journalistes de l'ancienne équipe offrent symboliquement un bouquet de fleurs jaunes aux briseurs de grève de la vie ouvrière en la personne de Pierre Tartakovsky qui les avait remplacés pour la confection de ce numéro. Don't want to sleep no more. Don't want. Le 6 décembre 1989, une décision du Comité confédéral national annonce finalement l'arrêt de la parution d'Antoinette, qui avait ainsi vivoté plusieurs années. Madeleine Collin réagit par une déclaration publique, Antoinette la mise à mort, où elle écrit « Portée par le dévouement militant de sa rédaction et de son réseau de diffuseuses, Antoinette avait réussi à faire circuler dans l'atmosphère confinée des instances de la CGT un vent frais de liberté, de contestation et de féminisme. En 1982, toute la direction d'Antoinette était licenciée et celle-ci reprise en main par la direction de la CGT. Dès lors, Antoinette devenait un bulletin mensuel asexué, sans personnalité, pas l'annexe de la vie ouvrière. Le moment était venu d'achever la besogne. Sans bruit, lâchement, le coup de grâce vient d'être donné. Come down to the little garden with me. Come go with me. Come go and see. Though I howl across fields and my eyes turn gray, are yours still the same? are you still the same? Carry home, I have returned through so many highways and so many tears. You let it never survive the heat of my hand, my burning hand, my sweaty hand. Your love never survived the heat of my heart, my violent heart in the dark. Carry home, I have returned through so many highways and so many tears. Carry home to where I am from. Carry to the place that I have come. Carry to the dust and flies behind me. Carry to the cracks and caves on the face of me. Oh, but I didn't change. I just had to work. Change, I choose to try to work. Now I'm home, and now I'm home. Do you still want me now that I'm home? Come down to the willow garden with me. Come go with me. Come go and see. I've howled across fields and my eyes turn gray. Are you still the same? Are you still the same? So carry home, I have returned through so many highways and so many tears. Yeah. Change, I just had to work. No, but I didn't change. I just had to work. And now I'm home. I carry home. Do you still want me now that I'm home? Du teckel ou du caniche, vous découvrirez qu'il pue dans son terrier le lapin. Noctambule s'endort à l'aube, promenez-vous dès le matin. Vous trouverez que ça daube. Les hiboux et les chouettes, ça se réveille la nuit. Vous verrez comme ça fouette si vous reniflez leur nid. Je suis l'ami des animaux, mais je n'aime pas ceux qui puent. Je suis l'ami des animaux, mais je n'aime pas ceux qui puent. Qui sent plus fort qu'un chien mort depuis plus d'une semaine, qui peut rôter comme un porc sans négliger son hygiène. Une haleine de chacal n'est pas très civilisée. Être monté comme un cheval, pas forcément plus discret. Sentir le fauve est possible, même dans le monde moderne. En revanche, il est nuisible de sentir la mouche à merde. Une mouche n'a pas de gel douche, un lapin pas de shampoing, un pinceau pas de savon, une ânesse pas de tampon. Je suis l'ami des animaux, mais je n'aime pas ceux qui puent. Je suis l'ami des animaux, mais je n'aime pas ceux qui puent. Dans tout le système solaire, rien n'est plus nauséabond qu'une grosse vache laitière ou la litière d'un chaton. Le bon Dieu de là-haut a créé les animaux. amis des animaux. Mais je n'aime pas ceux qui puent. Je suis l'ami des toujours calé sur le son FM dans Lost in Space sur les ondes de Radioactive, Underdog à l'instant. Et on continue en live pour enchaîner dans cette émission avec T-Rex. Vous savez, Mark Bolan, un des principaux groupes importants de la fin des années 60, début des années 70, que l'on va retrouver ici en live à Tokyo le 28 novembre 1972. Et ça, ça ne rajeunit personne. Thank you. See you. the bass pedal's gone on one of the drums.